Si Dieu est le Tout-Puissant, arrive-t-il alors à créer une pierre si lourde qu'il sera incapable de lever lui-même ?